Il est 17h, bienvenue sur Radio Fadjet 94.2 FM à Nancy. Tout de suite, c'est l'heure de l'émission Histoire d'en parler, votre émission mensuelle sur l'histoire. Et nous allons tout de suite accueillir deux invités avec nous, Monsieur Pierre Sertoff et Monsieur Franck Schwab. Monsieur Franck Schwab, vous êtes professeur d'histoire au lycée Loritz. Tout à fait, oui. Et vous êtes aussi président de l'association des professeurs d'histoire géo. Également, sur la région, sur la Lorraine. Juste oui. Sur la Lorraine. Hein, donc... Oui, ça me suffit. Oui. Alors, juste une première question. Oui. Pourquoi enseigner l'histoire aujourd'hui ? Pourquoi enseigner l'histoire ? Ben, d'abord parce qu'on aime l'histoire. Hein. Pour enseigner, il faut d'abord aimer ce qu'on enseigne. Oui. Et vouloir faire passer finalement... l'amour de sa matière aux élèves, ça c'est le premier point. Après, pourquoi enseigner l'histoire, c'est un vaste sujet, mais d'abord pour donner des repères aux élèves qui leur permettront de comprendre le monde d'aujourd'hui. Hein, repères chronologiques, événementiels. Oui, repères chronologiques, il ne faut pas avoir peur de la chronologie. Hein, les dates, c'est quelque chose qui a mauvaise réputation, mais ça permet d'ordonner ses connaissances. Oui, en effet. Et d'établir des relations de causalité entre elles, donc... Avoir une chronologie minimale sur ce qui s'est passé avant que les élèves ne naissent, pour qu'ils puissent mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Hein, voilà. Et ensuite, également pour qu'ils puissent s'y engager en tant que citoyens, parce qu'il y a une dimension citoyenne de l'enseignement. Donc, ça nous amène tout de suite à ma deuxième question. Quel est, selon vous, le rôle de l'histoire dans notre société ? Le rôle de l'histoire, c'est, comme je viens de le dire, hein, de contribuer. C'est l'un des éléments qui contribue à constituer la citoyenneté de nos élèves. Ces élèves ont des parcours scolaires très différents, certains très brillants, d'autres beaucoup moins, mais il n'empêche qu'ils seront tous citoyens, ils auront tous le droit de vote, la voix de chacun aura la même importance, et l'histoire vise à leur donner des éléments de repère sur la société et sur la République dans laquelle nous vivons. Voilà. Est-ce que vous considérez que l'histoire peut aussi expliquer, aider à la compréhension d'événements actuels ? Oui, c'est le but du jeu. Hein. Alors bon, on ne peut pas tout expliquer, on n'est pas omniscient. Nous-mêmes, on a nos propres idées qui doivent rester en dehors des débats trop actuels, mais on est là pour donner des pistes de repères et des pistes de réflexion. Après, il faut laisser l'élève faire son propre. D'ailleurs, on n'a pas énormément de temps pour travailler avec eux, donc il est nécessaire de laisser l'élève réfléchir. Mais si un gamin ou une gamine réfléchit après le cours sur ce qu'il a entendu ou réfléchit lorsqu'il cherche à assimiler son cours sur ce qui s'est fait, c'est déjà gagné. Ça contribue à l'élever, hein, puisqu'on est là pour élever des élèves. Voilà. Alors, vous êtes président donc de l'association des professeurs d'histoire géo de Lorraine. Mmh. Quelle est votre place au sein de cette association et donc pourquoi aussi une association de professeurs d'histoire géo ? Alors, c'est une vieille association déjà, hein, puisqu'elle a été fondée en 1910, donc on fait partie des meubles, des meubles académiques, si l'on peut dire. C'est une association nationale avec des antennes régionales. Et s'engager dans la PAG, c'est s'engager pour défendre l'enseignement d'histoire et de la géographie, et faire en sorte que cet enseignement puisse être dispensé à tous les élèves, comme je l'ai dit, quel qu'il soit, que dans chaque filière d'enseignement, des élèves puissent faire de l'histoire et de la géographie, parce qu'on considère, on n'est pas corporatiste, on considère oui. pas que Toulouse, qu'on doit faire que ça, hein, mais on considère quand même qu'on a une place un peu particulière dans l'enseignement vu la tradition française à ce propos. Donc, vous êtes proche du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur Proche, oui et non. On cherche à faire entendre notre voix. Après, nous sommes une association privée, mais il est évident que nos inspecteurs, pédagogiques régionaux au niveau académique et généraux au niveau national, sont nos interlocuteurs. Quand il y a un changement de programme, on cherche à donner notre avis, à faire passer à travers nous l'avis des collègues sur ces programmes, puisqu'on est des praticiens de terrain, hein, finalement. Voilà. Donc, dans votre association, vous êtes aussi, vous menez aussi à la réflexion sur comment enseigner l'histoire géographique. Bien sûr. Hein, comment aussi le réformer C'est-à-dire, nous, on n'est pas là pour faire des réformes. Nous, on est là pour accompagner ces réformes et donner au ministère le point de vue de praticiens de terrain. Alors, selon les ministères, parfois c'est facile, d'autres fois c'est difficile. On est parfois un peu le poil à gratter. Mais bon, voilà, les collègues qui participent ou qui militent au sein de mon bureau, c'est des gens que c'est des bénévoles qui donnent de leur temps. Justement, dans l'intérêt de nos matières et des élèves, sans en retirer grand-chose. Hein, on n'est pas... voilà, mais on cherche en tout cas à faire entendre la voix des collègues de terrain sur ce qui se passe. Et comme il y a beaucoup de réformes, moi je suis prof depuis 30 ans, j'en ai déjà vu un certain nombre. Et donc, parfois on est là pour chercher à rappeler un petit peu au bon sens dans ces réformes, quand c'est nécessaire, voilà. Eh ben, de toute façon, on a besoin de gens comme vous et d'associations comme vous. Je vous remercie. Mais alors, en même temps, il est vrai que l'actualité, on est obligé d'en parler. Vous savez très bien aussi qu'il y avait une vidéo qui a été diffusée sur Internet et sur les réseaux sociaux plus particulièrement. Oui. Les réactions suscitées ont été à la fois révélatrices de problèmes au sein de l'éducation nationale et qui touchent particulièrement les professeurs. Mais quelles sont donc les limites de l'enseignement après cette vidéo, et surtout aussi, on aimerait vraiment avoir votre point de vue. Ce qui est certain, c'est que ces problèmes existent. Ces problèmes existent, mais la situation est très variable selon les établissements scolaires. Hein. Bon, dans un lycée de centre-ville comme le mien, il n'y a aucun problème particulier, on fait nos cours sans problème. Par contre, il est évident que dans d'autres établissements, il y a des vrais problèmes parfois pour certains collègues. Et ces problèmes, ce qui se passe actuellement, les réactions spontanées de, alors pas uniquement de profs d'histoire-géographie, hein, je suis l'actualité comme vous, montrent que ces problèmes sont plus importants que ce que notre administration peut laisser penser. Ça, c'est évident. Surtout, quelle est votre réaction après l'apparition du hashtag pas de vague qui a fait le buzz? Oui, c'est ça, c'est révélateur d'une situation de malaise. Mais à mon avis, au-delà de ce qui révèle ponctuellement sur des cas concrets d'incivilité et parfois plus graves de violence, ça révèle un malaise concernant notre statut d'enseignant, de prof dans la société. J'avais lu, un courrier qui était publié dans le Figaro.fr d'une collègue qui disait qu'on a plutôt que de mesures disciplinaires accrues, ou plutôt que de portiques de sécurité à l'entrée des établissements, on a besoin du soutien des parents, de la société, voilà. Et il y a un problème concernant notre statut d'enseignant. Enseignant, c'est pas considéré comme étant quelque chose de très, comme quelque chose de très glorieux ou de très respectable, finalement. Et si on n'est pas respecté par la société en tant qu'enseignant, comment des gamins peuvent nous respecter? Je pense que le problème, il est plutôt là. Après, l'administration, c'est comme toutes les administrations, c'est vrai qu'il y a quand même une tendance, moins on en parle, et mieux c'est. Alors, tout le monde n'est pas comme ça, hein, mais c'est la logique de toute administration, quelle qu'elle soit, que ce soit l'éducation nationale ou d'autres choses. Après, je sais que nos responsables sont conscients du problème. Ceci étant, tout ne dépend pas d'eux, hein, et il est évident que c'est un problème qui, au-delà, pose la question du statut de l'enseignant dans la société, qui rejaillit sur le regard que les élèves ont sur nous. Voilà. Donc, en fait, selon vous, le statut donc, de l'enseignant et le point de vue qu'on s'en fait a été dégradé depuis... Bien sûr. Alors, c'est ça qui a conduit à ce genre d'action. J'ai entendu aussi parmi certaines réactions, cette collègue qui a été braquée, hein, il n'y a pas d'autre mot par cet élève, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'autorité, qui ne sait pas se faire respecter par les élèves. Bon, c'est pas acceptable, si vous voulez. Bon, c'est sûr que l'autorité naturelle, qu'est-ce que l'autorité, ça se discute, hein. Mais l'autorité naturelle, certains collègues l'ont, d'autres, ils l'ont pas, ils doivent ramer plus, mais il n'empêche que tout enseignant a droit au respect, point, des élèves. Après, le cours accroche ou accroche pas, mais il y a des comportements qui sont inacceptables. Il y a des limites. Il y a des limites. Le professeur est là pour donner des cours, il n'est pas là non plus pour faire la police, ce n'est pas son rôle. Il est là aussi pour faire la police, parce qu'on est quand même en rapport avec des jeunes, et donc on a un rôle éducatif qui passe aussi par le rappel à l'ordre, et puis par l'imposition, entre guillemets, d'une bonne autorité, d'une autorité... Alors, c'est pas facile, hein, on n'est pas des héros, hein, on n'est pas tous. Voilà, mais bon, on fait ce qu'on peut. Moi, ce que je peux dire, c'est que de la part de mes plupart des collègues, on est plutôt une corporation de gens scrupuleux. Voilà, on est plutôt scrupuleux. Mais alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Un coup, on ne sait jamais comment ça va se passer. Si vous voulez, bon, des fois, on prépare, on a un prof sérieux, on prépare notre séquence, et puis des fois, on fait flop. Bon, bah, alors ça entraîne pas toujours des problèmes de discipline, mais voilà, on ne sait jamais trop comment ça va se passer. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas affronté des situations qui sont qui ne dépendent pas de notre ressort et qui nous placent en danger. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, bah, merci beaucoup d'être venu, Monsieur Franck Schwab. Bah, c'est moi qui vous remercie, voilà, de mes collègues. Eh ben, merci d'avoir répondu à nos questions et on espère vous retrouver bientôt. Avec plaisir. Et bon cours à vous aujourd'hui. Merci bien. Donc, bonjour à toi, Pierre. Bonjour. Donc, Pierre Sertov, tu es le président de l'association Histoire d'en parler. Tout à fait. Voilà, Histoire d'en parler qui est en plus l'émission de radio que l'on va présenter mensuellement ici sur la radio Fagette. Et tu es à côté. Tu es professeur d'histoire au lycée Beaujardin à Saint-Dié-des-Vosges dans le 88. Exactement. Alors, pourquoi en fait avoir créé une association ? Pourquoi avoir créé cette association ? Cette association. Tout simplement parce qu'on avait une envie entre des camarades de promotion en histoire de, d'un côté, rendre l'histoire plus ludique et intéressante dans le milieu scolaire, d'un autre côté, la rendre plus intéressante et populaire pour le grand public, et enfin d'aider les étudiants-chercheurs. C'est nos trois ambitions à la base. Donc trois ambitions qui sont bien définies et qui, on va dire, forment la force de votre histoire et qui vous donnent le courage et la détermination. Alors, l'idée, ce qu'on pourrait dire une force, mais c'est plutôt un objectif, un enjeu, c'est toujours de rendre l'histoire plus intéressante. Prendre l'histoire, non pas par un côté qu'on connaît, mais par... Une autre forme d'histoire, un autre bout de l'histoire. Ne pas, par exemple, si on prend la guerre de 14-18, tout le monde a vu la guerre 14-18 en long et en large. On peut essayer d'en sortir une autre dimension, que ce soit par la BD, que ce soit par un événement précis, ou par une forme de manifestation. D'accord. Une des devises donc, d'Histoire d'en parler, c'est Histoire d'en parler, c'est la fac, mais hors de la fac. Exactement. Expliquez-nous. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Et on en est très fiers parce qu'on a des bénévoles qui ne sont pas que à la fac d'histoire. L'année dernière, c'était un peu plus le cas. Mais quoi qu'il arrive, on ne veut rien faire à la fac de lettres. On ne veut rien faire dans les autres facs. Ce qu'on veut, c'est s'ouvrir vers un public qu'on ne peut pas toucher habituellement. Et il y a deux associations qui font un très bon travail sur la faculté. Nous, ce qu'on veut, c'est sortir la fac de la fac. Donc prendre les professeurs, prendre les étudiants, prendre les doctorants et... les faire, les mettre en action en dehors de la faculté. En dehors donc de la faculté, et aussi pour que ce soit aussi accessible à tous, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il faut par contre, pour vous en fait, dans votre association, il faut renouveler l'apprentissage et l'amour pour l'histoire ? Pas forcément renouveler. L'idée c'est de... De sortir en fait un petit peu des codes que l'on a aujourd'hui dans sortir l'apprentissage. Sortir des codes et surtout d'être en complément des professeurs. On n'a aucune ambition d'être mieux que les professeurs. Ah les oui. Professeurs, surtout que la majorité d'entre nous veulent plus tard être professeurs. Ce qu'on veut c'est se positionner en complément. Être complémentaire avec eux, avec ce qu'ils font dans les séances. Et surtout répondre à des besoins. Aujourd'hui on ne va pas... arriver avec nos grands sabots et dire maintenant nous ce qu'on veut c'est réformer toute l'éducation nationale et l'enseignement de l'histoire-géographie. Ce qu'on veut c'est que le professeur qui se sent pas forcément à l'aise avec un chapitre, qui se sent pas forcément à l'aise avec un thème, ça peut être le cas par exemple de la géographie, de l'aspect numérique, qui se sent pas forcément à l'aise avec une matière, c'est souvent le cas de l'éducation morale et civique. Nous ce qu'on veut c'est arriver et dire bah nous on a un contenu et une forme qui peut être intéressant. Je crois que c'est très important ce que vous dites, parce qu'en fait, l'histoire-géographie n'est pas réservée à une élite hein, de culturelle. L'histoire-géographie, c'est pour tout le monde. Hein, et effectivement, populariser l'histoire à travers vos initiatives, c'est un moyen de toucher des personnes qui ont perdu contact avec, avec l'enseignement, avec l'éducation, ou qui cherchent finalement à actualiser leurs connaissances ou avoir accès finalement à ces connaissances qui, dans une société... démocratiques doivent être le bien commun de tout le monde. Hein. Donc bravo pour votre initiative, hein, monsieur. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, bah, merci beaucoup à vous, monsieur Pierre Sertov. Bah, merci bien. Nous allons vous retrouver juste après une courte pause musicale sur Fagette. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennuis, et nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé, 4 et 4 font 8. Leçon de français, de mathématiques. Que de travail, travail. Sacré, sacré, sacré, sacré, sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Il n'avait qu'à s'occuper de bataille et de chasse. Nous ne serions pas obligés d'aller chaque jour en classe. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé, participe passé. 4 et 4 font 8. 4 et 4 font 8. Leçon de français, leçon de français. De mathématiques, de mathématiques. Que de travail, travail. Sacré, sacré, sacré, sacré, sacré Charlemagne. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que des jeudis. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que des jeudis. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. De retour sur la Fadjet, bienvenue dans l'émission Histoire d'en parler, votre émission historique mensuel. Nous allons tout de suite passer au sujet du jour avec toi, Michael. Bonjour, Michael. Bonjour. Alors, quel est ton sujet du jour? Alors, mon sujet, c'est à quoi sert l'histoire? Aujourd'hui, elle est très présente dans les quotidiens, dans l'actualité, tant artistique, documentaire, reconstitution, exposition, que politique, comme les commémorations. Actuelle d'Emmanuel Macron, qui est en train de faire une tournée pour la bataille de Verdun. Donc, selon toi, qu'est-ce que l'histoire et qu'est-ce qu'est l'historienne? Alors, l'historien est un artisan qui façonne, qui travaille ses matériaux qui deviennent ensuite ses sources. Elles lui permettent de reconstruire, comme le soutient Michel Perrault, spécialiste d'histoire contemporaine des femmes, le passé en quête de vérité. Son objet d'étude est l'homme, les grands hommes, comme Napoléon Ier, jusqu'à l'individu banal, Louis-François Pinago, un petit sabotier. L'histoire est perçue comme une activité intellectuelle exigeante, un dur labeur, car c'est avant tout une connaissance lacunaire par trace. Mais l'histoire s'embête une entreprise sans fin. Sans fin, sans fin, donc l'histoire serait-elle une science? Oui, en effet, parce que l'historien est un savant. C'est un spécialiste de l'homme dans le passé, car il maîtrise et convoque un savoir pointu et technique, fondé sur une méthode. L'apprentissage de l'histoire est très long, et cette méthode lui permet d'interroger les sources. Comme nous le rappelle joliment Claire Zalk, l'histoire répond aux grandes questions par les petites histoires. Et donc ces petites histoires qui doivent faire aussi, qui doivent se retrouver dans l'actualité d'aujourd'hui, est-ce que cette histoire dont tu nous parles est menacée par l'immédiateté? En effet, car l'historien n'évolue pas dans la même temporalité que ses contemporains. L'historien vit à côté du présent, presque en marge. Il faut du temps à l'histoire pour exister, car moi j'ai appris à la fac qu'il fallait au moins 20 ans pour étudier un événement historique, car il faut un certain recul. L'historien est un passeur qui permet de rejoindre les différentes berges comme à autant de temporalités. Faire, lire ou étudier de l'histoire, c'est donc avant tout se frotter au temps, et notamment au temps des autres. C'est une découverte permanente de l'autre. Cependant, il y a un paradoxe. Dans nos sociétés dominées par le présentisme, l'histoire n'a pas eu le même poids ni la même utilité. Elle est convoquée pour le présent. Donc, selon toi, est-ce que l'histoire serait une observatrice du présent ? On dit souvent que l'histoire sert à éclairer le présent. Mais comment ? En lui attribuant un sens, en permettant conjointement avec les autres sciences sociales de répondre aux questions par le présent. Certains historiens avancent même que l'histoire constituerait un miroir dans lequel les questions du présent rechercheraient, dans le passé, des réponses. Mais comme je l'ai dit, l'historien est un passeur. Il a donc à voir avec le passé et le présent, mais sans pour autant y succomber. Il doit résister à la tentation du présent. Cependant, l'historien doit être dans sa vigie pour éclairer le débat et l'opinion publique. Il a donc un rapport étroit avec le présent. Si l'histoire doit sans cesse rester au contact du présent, c'est peut-être aussi parce qu'elle travaille sur l'homme et qu'elle répond à ses besoins. Donc selon toi, l'histoire serait en fait un besoin anthropologique pour l'homme ? Oui, car l'histoire répond à un besoin de récit, un récit des origines, guidé par le besoin d'enquête et le désir de curiosité. Ce sens du récit historique est un sens critique, qui vise à expliquer, à rendre plus clair ce qui ne l'est pas de prime abord. Il aurait un rôle donc thérapeutique, car il aide à guérir les traumatismes, comme l'horreur et la mort. L'histoire relie les disparus au présent, et surtout tente d'expliquer par la raison ce qui paraît inexplicable. L'histoire serait-elle un besoin individuel ou collectif ? On peut se poser la question. C'est un besoin avant tout individuel, car c'est une amulette contre le temps qui passe. C'est une lutte contre la mort et l'oubli. Et pour d'autres, c'est un besoin collectif. C'est celui de la nation. Besoin individuel ou collectif, thérapeutique ou anthropologique, l'histoire peut aussi tout simplement être perçue comme un plaisir, répondant aux besoins d'évasion. Répondant aux besoins d'évasion, plaisir, l'histoire serait donc un plaisir ? Sur ce point, les historiens sont partagés, et certains éprouvent quelques réticences à rapprocher l'histoire du divertissement et de la distraction. Marc Bloch évoque l'aspect distrayant de l'histoire, car elle passionne et donne à voir à les vies des gens du passé. Cependant, pour d'autres, comme Michel Perrault, l'histoire peut être synonyme de plaisir, voire de beau. Plaisir de l'enquête, plaisir de l'écriture et du récit. On peut se poser une dernière question, Michael. À qui sert l'histoire ? Jean-Clément Martin, spécialiste de la Révolution, identifie en fait quatre groupes d'usagers de l'histoire qui ont su l'instrumentaliser afin de servir leurs intérêts personnels. Le premier prend place autour de la vis et fit de l'histoire un instrument au service du passé national et de la nation. Le second groupe recourt à l'histoire pour satisfaire des revendications d'ordre mémoriel et finalement tenter de réparer le passé afin de le rendre plus présentable. En réaction se forme un troisième groupe, composé d'historiens professionnels qui s'érigent en gardiens du passé, en revendiquant la liberté pour l'histoire. Enfin, un dernier groupe considérerait l'histoire comme un miroir permettant de lire dans le passé les interrogations du présent, une sorte de laboratoire expérimental. Bref, on pourrait dire avec humour que l'histoire sert désormais aux artistes, aux argumentaires contradictoires d'intellectuels, aux ménagères de 45 ans, mais elle sert avant tout aux historiens. Merci Michael pour nous avoir raconté cette chronique historique sur l'histoire que vous pourrez retrouver sur fagette.com. Nous revenons donc avec une nouvelle chronique mensuelle le mois prochain. Monsieur Franck Schwab, vous souhaitiez en fait réagir à ce que vient de nous dire Michael ? Oui, je trouve que Michael a donné une très belle définition de ce qu'est l'histoire dans sa multiplicité d'approches. Simplement, ce que je pourrais ajouter simplement, c'est que, après avoir entendu ce qu'il a dit, c'est qu'effectivement l'histoire, ça se raconte, c'est une matière littéraire et ça passe par les mots, ça passe par le sens du récit. Et dans ce sens-là, au niveau pédagogique, on est aussi en histoire là pour faire rêver les élèves et leur apprendre du vocabulaire, du lexique. Et puis dernière chose, au bout du compte, toutes ces définitions peuvent se rassembler, je crois, dans l'idée que l'histoire est là pour dire la vérité. Alors qu'est-ce que c'est que la vérité ? C'est justement tout le monde en discute, mais il faut croire à la vérité historique pour faire de l'histoire. Et la recherche de la vérité, elle est au cœur du travail d'historien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc en fait, ce que vous êtes aussi en train de dire, c'est que l'histoire a à la fois d'être une matière littéraire est aussi une matière scientifique. Par derrière, dans les coulisses. Bien sûr, bien sûr. Très bien, merci beaucoup pour votre réaction, monsieur Franck Schwab. Et donc, nous allons conclure cette première émission d'Histoire d'en parler avec l'actu historique. Donc, l'actu historique, c'est l'actualité historique de l'histoire en France et en Lorraine. Pour aujourd'hui, nous allons parler de deux actualités très importantes, dont l'une est celle que vous avez donc tous appris, c'est la mort de Robert Forisson. Donc, qui est Robert Forisson ? C'est en fait un homme qui est né en 1929 en Angleterre. Mais Robert Forisson était en fait un célèbre professeur de lycée, puis maître conférencier en littérature contemporaine à l'université Lyon 2, avant d'être quelqu'un qui a suscité la controverse, l'émoi et l'indignation auprès des historiens et des Français. Encouragé par l'extrême droite et l'ultra-gauche, Robert Forisson va développer ses thèses, se faire inviter sur scène par exemple Dieudonné, et va remettre en question certains événements historiques très durs à cicatriser encore aujourd'hui auprès des Français et auprès notamment des Juifs. Il est mort le 22 octobre de cette année, donc est-ce que vous souhaitez réagir à propos de ça ? Oui, moi, je pense que c'est très intéressant, le personnage de Robert Forisson. Pourquoi ? Parce que, justement, c'est une des images de la désinformation aujourd'hui, de tout ce qu'on entend de plus en plus parler des fake news. Alors, on ne doit plus du tout dire fake news, on doit dire infox. C'est français maintenant. Des fake news, des infox, des informations, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un jeune, avec les réseaux sociaux, c'est intéressant, à l'occasion de cette mort, hein, qu'on peut envisager comme on le souhaite, c'est intéressant d'envisager comment on peut apprendre aux jeunes à bien s'informer et à avoir immédiatement une information qui est véridique. Et ça fait partie de nos enjeux dans l'association, et on fait notamment un atelier sur les fake news ou les infox, comme on le souhaite. Et quand est-ce qu'il a lieu cet événement ? C'est pas un événement, c'est plus pour destiné aux scolaires, un atelier autant pour des collégiens que des lycéens. Oui, monsieur. Oui, simplement très rapidement, hein, comme je l'ai déjà dit. Bon, pour moi, l'histoire, c'est avant tout la recherche de la vérité. Ah oui, et Robert Forisson a été un faussaire de l'histoire, donc c'est tout ce qu'il y a à dire. Point. Voilà. Nous passons tout de suite à la dernière actualité du jour qui concerne tous les Français. Le 4 novembre, la Nouvelle-Calédonie va voter pour son référendum, un référendum historique qui est dans l'accord de Nouméa depuis 1998, mais dans les têtes et les idées des indépendantistes depuis 1988 et les accords de Matignon. Ce sont près de 175 000 électeurs qui sont appelés à voter aux urnes le dimanche 4 novembre. Sur une population de 270 000 habitants, la Nouvelle-Calédonie va donc répondre à sa propre question. Souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne donc indépendante ? Pour contrer l'influence anglaise dans la région du Pacifique Sud, Napoléon III a demandé à l'amiral Février d'Espointe d'aller coloniser et prendre en possession la Nouvelle-Calédonie. Tout de suite devenue une nouvelle colonie pénitentiaire puisque la Guyane ne pouvait plus accueillir d'autres bagnards, la Nouvelle-Calédonie a donc vu son économie se développer autour d'un minerai. Le minerai est en fait le nickel, qui a aussi un autre nom sur le caillou, qui s'appelle la garniérite, par son découvreur, monsieur Jules Garnier, qui lui a donné son nom. Pour exploiter le minerai du nickel, la France a mis en place un code de l'indigénat afin que les autochtones, le peuple premier, c'est-à-dire les Kanaks, soient mis dans des tribus, dans des réserves, comme on disait à l'époque, et ainsi laisser les Français faire ce qu'ils voulaient des terres coutumières de la Nouvelle-Calédonie. Malgré des échecs lors de révolutions contre l'occupant français, les Kanaks vont intégrer l'armée française et se battre en France aux côtés des Français lors de la Première Guerre mondiale et aussi de la Seconde Guerre mondiale. Ayant le statut depuis 1946 de territoire d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie va faire appel à une main-d'œuvre étrangère pour l'exploitation du nickel. Et cette nouvelle communauté va amplifier le métissage de la Nouvelle-Calédonie. Mais bien entendu, ceci ne va pas plaire au peuple premier, les Kanaks, qui se sentent remplacés. En 1984, les indépendantistes qui ont créé le mouvement du FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, ont mené des attaques contre des Blancs, donc la Nouvelle-Calédonie s'est vue divisée en deux camps, les loyalistes et les indépendantistes, afin de régler l'affaire qui est partie depuis l'année 1984. Michel Rocard a invité les deux leaders des deux camps à venir à Matignon afin de trouver un consensus pour trouver une stabilité politique en Nouvelle-Calédonie. À l'issue des accords de Matignon signés en 1988, les deux leaders ont décidé la création, avec l'accord de la France, la création de trois provinces, la province Nord et la province des îles Loyauté à majorité indépendantiste et la province Sud à majorité loyaliste. De nouveaux événements ont perturbé la Nouvelle-Calédonie entre 1994 et 1998, ce qui a conduit l'État français à intervenir à Nouméa cette fois-ci, conduisant à la signature de l'accord de Nouméa et de la tenue d'un référendum à partir de 2014. Ce référendum, qui devait être déjà fait en 2014, a été retardé jusqu'en 2018, puisque les classes politiques de la Nouvelle-Calédonie ne se sentaient pas prête et n'avait pas encore bien étudié la question. C'est donc le 4 novembre, date à laquelle a été choisi pour l'année 2018, en mai de la même année, que les Calédoniens sont appelés à voter pour leur maintien ou non dans la France. Et c'est ainsi que s'achève l'émission Histoire d'en parler sur la Fadjet 94.2 FM. Nous vous retrouvons donc le mois prochain pour une nouvelle émission, une nouvelle chronique historique et un nouvel actu historique, ainsi qu'un nouvel invité. À bientôt !